De Paul Bourget, Dualité, suite. 5. Je ne sais pas combien de temps je demeurai assis sur cette roche, à regarder l'horizon et à songer. Je fus réveillé de cette espèce d'hypnotisme méditatif par un coup frappé légèrement sur mon épaule. Un coup, non, la douce pesée d'une main de femme. Je n'avais entendu personne approcher, je me retournai en sursaut et je reconnus, debout auprès de moi, la taille drapée dans une mante sombre et doublée de fourrure, Blanche elle-même. Quoique la pénombre ne me permît qu'à peine de distinguer ses traits, je devinais qu'elle était toute pâle, sous le fanchon de guipure noire dont elle avait enveloppé ses cheveux et son cou. Je vis aussi qu'elle tremblait un peu. Cette émotion aurait dû finir de me prouver combien mes hypothèses de tout à l'heure étaient fausses. Un tel trouble était vraiment hors de proportion avec le danger dont elle pouvait se croire menacée. Sur place, on ne raisonne pas tant, et je n'eus aussitôt qu'une idée, celle de la rassurer sur ma discrétion. Je pris sa petite main, je la lui baisai aussi délicatement que jadis, et je lui rappelai sur un ton de demi-plaisanterie affectueuse notre dernière rencontre. « Ainsi, c'est bien vous, commençai-je. Vous, tendresse et maline, nous aurions été bien étonnés, avouez-le, si l'on nous avait raconté, quand nous soupions avec ce pauvre Vernante, que nous nous retrouverions ainsi. » « Ne riez pas, il n'y a vraiment pas de quoi, » répondit-elle d'un ton altéré par une angoisse qui commença de m'étonner. « Je voulus vous parler et d'abord vous dire merci. » D'avoir compris que vous ne vouliez pas être reconnu, c'est l'ABC de la sympathie, cela, et j'ai hérité un peu de celle que François avait pour vous. » Et pour maintenir, malgré elle, la causerie sur le ton de familiarité gaie par où j'avais commencé, mes compliments d'ailleurs, vous les choisissez bien. « Ah, taisez-vous, » interrompit-elle d'un accent plus étouffé encore, en me prenant le bras qu'elle me serra de toute sa force. « Vous ne savez pas à quoi vous touchez. » « Comment ? » dis-je, et sans raillerie cette fois, « vous n'êtes pas heureuse ? Il ne vous aime pas ? » ?»« Taisez-vous, par pitié, » répéta-t-elle. « Taisez-vous. » Puis, lâchant mon bras, « c'est tout naturel, vous ne savez pas. Vous le prenez pour mon amant. » Et, avec une voix que j'entends encore, elle ajouta, « c'est mon fils. » Cette phrase, tombée entre nous deux, si simplement, si brusquement, fut suivie du silence douloureux dont s'accompagnent certains aveux, solennels à force d'être irréparables. Je ne doutais pas un instant que Blanche ne me dit la vérité. Pourquoi m'eût-elle menti? D'ailleurs, certains accents, certains mots aussi, ne peuvent mentir. Ce que Vernante m'avait raconté sur cette étrange fille, sur ses soudaines reprises de délicatesse et de bonté dans l'existence la plus contraire à ses vertus, sur son romanesque et sur sa fantaisie, me revint à l'esprit. Quand cet ami, le plus pareil à moi, par certains coins de sensibilité morbide, de ceux auxquels je survis, se complaisait à me portraire en héroïne de roman, cette pécheresse professionnelle, je haussais les épaules. Mes rares rencontres avec elle m'avaient seulement donné l'idée d'une liberté dans les mœurs et d'une folie de grâce dans la toilette peu conciliable avec des émotions secrètes et profondes. Et tout d'un coup, voici que j'apercevais, dans cette créature de frivolité et de caprice, une énigme plus poignante encore que les attendrissements maladifs de Vernante ne me l'avaient fait pressentir. Ainsi la femme entretenue se cachait sous un faux nom, dans ce coin retiré d'Italie, pour y vivre en tête à tête, quelques semaines, quelques jours, avec son fils. Son fils ? Était-ce possible ? Ce frêle garçon aux jolies manières, à la physionomie fraîche, aux yeux candides, paraissait avoir une éducation si différente de celle que supposait le milieu de sa mère. Ignorait-il quelle était cette mère ? Était-ce pour le tromper qu'elle s'était inscrite sur les registres de l'hôtel sous ce nom de vaudeville, Madame de la Charme ? Avait-elle réalisé ce prodige de vivre deux vies, d'être deux femmes, la Madame de Saint-Signe, des premières, des courses, des soupers fins et du reste, et cette autre femme qui se tenait devant moi, bouleversée jusqu'à l'horreur par ma confusion de tout à l'heure, quand j'avais pris ce fils pour un amant? Une pareille dualité était insensée. Elle était vraie, pourtant. Je la sentis vraie, avant même que je n'eusse reçu cette confession lamentable dont je me souviendrai toujours. Confession prise et reprise, chuchotée et criée tour à tour sur cette grève solitaire durant les trois quarts d'heure que nous y passâmes. Elle, assise maintenant auprès de moi, et tous deux n'osant pas sortir de l'ombre. Si quelqu'un des habitants de l'hôtel nous avait seulement vus ensemble et qu'il l'eût rapporté au fils, Blanche aurait dû avouer que nous nous connaissions. Comment expliquer alors pourquoi je ne l'avais pas salué à table d'hôte ? Elle avait trop réfléchi à sa situation pour ne pas en savoir le danger constant. La cruelle révélation viendrait, si elle devait jamais venir, d'une toute petite imprudence qui éveillerait chez l'enfant le premier soupçon. Mais la pauvre fille était dans une de ces crises où nous subissons instinctivement, presque animalement, le besoin d'un témoin, d'un autre être à qui nous montrer, de qui implorer l'appui, par qui nous faire suggérer ce que nous n'osons pas vouloir. Par ce soir de détresse, je lui représentai cette chose aussi souhaitée qu'inespérée, un confident qui l'écouta, qui la comprit. Je ne m'en étonnais pas trop. Je l'ai constaté souvent. Les écrivains qui font profession d'analyser les passions humaines produisent sans cesse de ces phénomènes d'une défiance ou d'une confiance également excessive, également imméritée. Certaines personnes ne peuvent se trouver avec eux face à face sans leur attribuer un pouvoir quasi magique de pénétration intime qu'elles réclament ou, suivant l'occurrence, dont elles ont peur. Elles ne se doutent pas que la force d'observation déployée par un auteur dans ses ouvrages n'est jamais directe. Ce n'est même pas une force d'observation, c'est une force de construction et qui, au lieu de nous aider à bien voir, s'interpose le plus souvent entre nous et les choses pour nous les déformer. Je venais d'en donner à Blanche la preuve la plus humiliante en lui parlant comme j'avais fait. Un mot suffit pour qu'elle l'oubliât et n'aperçût plus en moi que l'ami de François Vernante, d'abord, et surtout le docteur en sciences sentimentales dont elle mendiait la consultation. Infortuné docteur qui n'a jamais su se traiter lui-même. « Je vous demande pardon, lui avais-je dit, pour rompre ce cruel silence. Si j'avais su... »« Ah, répondit-elle, j'ai tant cru que vous saviez, que vous deviniez, quand je suis entrée dans la salle à manger et que vous ne m'avez pas saluée. Dieu, quelle heure je venais de passer depuis que Madame Balbi m'avait dit qu'un Parisien était dans l'hôtel et qu'elle vous avait nommé. Un mot, et vous comprendrez mon agonie. Mon fils ne sait pas qui je suis, mais c'est toute une histoire à vous raconter. Je ne peux pas, le temps m'est mesuré pour ce que j'ai à vous demander. S'il nous surprenait seulement, non, ce n'est pas lui. » Une forme masculine s'approchait qui nous dépassa sans prendre garde à nous. C'était un paysan quelconque et qui chantonnait une phrase musicale de la Cavalleria Rusticana, la plus populaire et la moins heureuse. « Viva el vino spumeggiante !» Comme la voix s'éloignait, ma compagne me prit la main qu'elle mit sur son cœur pour m'en faire sentir les battements, avec une familiarité où je ne pensais pas à reconnaître un signe de son métier de galanterie. Ce cœur sautait à lui rompre la poitrine, et j'essayais de la calmer. « Il ne viendra pas, ni lui, ni personne, mais vous n'avez pas besoin de rien m'expliquer. Dites-moi seulement ce que vous désirez, et je le ferai. Je vous dois une réparation d'abord. »« Aucune, fit-elle vivement, mais merci d'avoir un peu pitié pour moi. J'en mérite beaucoup, je vous assure, quoique je ne me plaigne pas souvent. Il faudrait dire ce que presque personne ne sait, ce que Vernante n'a pas su. » Ce que vous ne sauriez pas si le hasard ne vous avait pas amené ici. Le hasard ? Non, peut-être quelque chose d'autre. Je suis horriblement fataliste, voyez-vous, et c'est pour cela que je suis descendue dans la salle commune ce soir, quoique je courusse le risque que vous vinssiez me parler devant lui. J'étais décidée à vous dire, vous me prenez pour une autre. Puis, quand vous êtes restée sans même faire un geste, et je voyais si bien que vous me reconnaissiez, alors j'ai pensé, c'est mon destin qui me l'envoie, et je vous ai cherché aussitôt le dîner fini. « J'ai bien failli le regretter quand vous m'avez plaisanté. Vous m'avez fait tant de peine. Mais c'est une douce peine, puisque vous venez de me faire tant de bien en me plaignant. »« J'ai compris que vous souffriez, lui répondis-je. Il ne fallait pas beaucoup d'intelligence pour cela. Un peu de cœur suffisait. »« Un peu de cœur, répéta-t-elle, avec cette espèce de mutinerie désenchantée qui m'était restée dans le souvenir comme le trait le plus charmant de sa nature. Et elle insista. Un peu de cœur ? Mais qui en a pour nous, quand il ne s'agit pas de nous faire la cour ? Je n'ai jamais eu beaucoup d'illusions sur ce que les hommes nous donnent, allez, à nous autres. Si j'en avais eu, je les aurais toutes perdues le jour où j'ai eu Percy. C'est son prénom, celui de son père, qui était anglais. Il est à la chambre des lords aujourd'hui. Ce prénom, je le lui ai donné, par une dernière espérance qu'un jour, si le père le rencontre, il comprenne. Pauvre petit être, Quand il a tressailli dans mon flanc, j'avais tant cru qu'il le porterait, outre ce prénom, le nom de famille de ce père. Et puis, quand j'ai couru dire à cet homme « Je crois que je suis enceinte », oh, je l'entends encore me répondre « Oh, c'était un Anglais très parisien. Pour une gaffe, Blanche, en voilà une gaffe. » Et quand j'ajoutais « Mais c'est de toi !» il se mit à rire, d'un rire qui me glace le sang après des années, rien que d'y songer. C'était trop naturel qu'il ne me crût pas. Il ne m'avait pas eu sage, et il ne vivait pas avec moi, qui avait pourtant eu pour une fois la bêtise d'aimer et d'être fidèle. Mais cela ne se prouve pas. Je n'essayais pas de lutter. J'ai la prétention d'avoir été un honnête homme tant que j'ai pu, si je n'ai pas été une honnête femme, et de n'avoir jamais commis une vilenie. J'ai toujours eu le tort d'être fière, car c'est un tort dans mon métier, paraît-il. Quand mon amant eut ri de ce rire-là, je me serais tuée plutôt que d'accepter de lui un sou pour l'enfant. C'est bien mon fils, allez, c'est mon fils à moi toute seule. J'avais à cette époque une rente viagère que j'ai toujours. Elle m'a été donnée par un des Verekiev, vous ne l'avez pas connu, un drôle de garçon très original, et qui avait lui aussi un peu de cœur. Il me l'avait envoyé, ce coupon de rente, le même jour qu'un beuguet dont j'avais eu l'envie, en m'écrivant sur sa carte, de la part du prince W, une voiture et un garde-crotte pour vos malines. Vous vous rappelez les plaisanteries de Gladys et de mon sobriquet. C'est vrai que ces pauvres 12 000 francs par an m'ont souvent servi de garde-crotte. Sans eux, j'aurais été bien embarrassée alors. J'avais tout quitté pour cet amant dont j'étais enceinte, et je ne voulais pas le revoir. Mais j'ai été chic, ajouta-t-elle, en employant avec le plus coquet hochement de tête cet abominable terme d'argot. J'ai fait ma première vente, et j'ai plongé. Tout Paris m'a cru en bonne fortune dans quelque château de Pologne ou de Hongrie. J'avais exécuté déjà une fugue de ce genre. En fait de château, j'étais tout bonnement en train d'accoucher dans une petite ville de province, dans le nord, chez de braves gens qui m'avaient loué un appartement meublé. Encore la destinée. Je pouvais tomber sur des maîtres chanteurs qui essayassent de savoir qui j'étais, d'où je venais. Ceux-là ont tout cru, ou ils ont fait semblant de tout croire, de l'histoire que je leur racontais. Je m'étais donné à eux pour la veuve d'un officier de marine mort dans un naufrage, Madame de la Charme. La Charme, c'est mon village natal, pas bien loin d'Ingrande. J'avais espéré que ça me porterait bonheur, et voilà comment Percy est né. « Et à la mairie ?» lui demandai-je. « Vous n'avez pas eu de difficultés ?»« Ce fut tout un drame, » reprit-elle. « Je vous ai dit que ces gens étaient excellents. » Quand j'ai vu qu'ils allaient, sur ma seule affirmation, déclarer l'enfant comme fils d'une veuve et faire un faux témoignage, ça a été plus fort que moi, je n'ai pas pu. Toujours le fond d'honnête homme. Je leur ai avoué qui j'étais et que je leur avais menti. Et tout le reste. Ah, les braves cœurs! Eux aussi, ils ont eu pitié de moi, et c'est chez eux que mon fils a grandi. C'est eux qui me l'ont gardé jusqu'à leur mort il y a 4 ans. Des êtres comme ceux-là, comme ce vieux mari et comme cette vieille femme, ne devraient jamais partir. « Vous me permettez une question ? » interrogeai-je. « Vos hôtes ont dû, tels que vous me les décrivez, avoir l'idée que vous resteriez avec eux. Vous aviez non pas la fortune, mais l'aisance. Ces pauvres 12 000 francs, comme vous dites, c'était la liberté. De quoi élever cet enfant que vous aimez ? De quoi ne plus être une madame de Saint-Signe ? » interrompit-elle en continuant la phrase irréfléchie que j'hésitais à finir. « Voilà ce que vous pensez et que vous n'osez pas me dire. » « Ah, pensez-le, ah, dites-le, vous avez raison, trop raison, c'est la plaie, cela, c'est la grande plaie. » Et, avec une amertume infinie, « Que voulez-vous, je n'ai pas pu. Il y a des femmes qui ne sont que des mères, même dans notre monde. Il y a des femmes qui ne sont que des amoureuses, même dans le vrai monde. Moi, j'étais les deux. J'ai aimé mon fils dès le jour où je l'ai eu entre mes bras, vivant, respirant, bougeant. Oui, je l'ai aimé passionnément. Et puis, quand j'ai été guérie de mes couches, quand j'ai revu dans l'armoire à glace de ce modeste appartement la blanche, mince et svelte que j'étais redevenue, une irrésistible nostalgie m'a saisie. De quoi ? Ce n'est pas beau, mais il faut tout dire. La nostalgie du luxe auquel j'avais renoncé ces derniers mois quand j'attendais mon enfant. Sans taille, toute déformée, travaillée dans mon sang, dans ma beauté, j'avais bien pu faire ce sacrifice. Maintenant que je me retrouvais telle que j'avais été avant la gaffe dont parlait mon amant, plus jolie encore, avec quelque chose dans mes yeux et autour de mon visage qui m'étonna moi-même, je me sentis écrasée de tristesse devant la médiocrité, la vulgarité des objets qui m'entouraient. Le souvenir des raffinements parmi lesquels j'avais vécu depuis des années s'empara de moi si fortement que ce fut comme une faim et comme une soif. J'éprouvais à cette minute que jamais, jamais je ne pourrais me passer de linge fin, de bas de soie, de dessous parfumés, de toilettes, de bijoux, de fleurs, de succès aussi et de fêtes. J'avais le venin dans le sang. J'étais une viveuse. Je le suis restée, tout en restant mère. C'est incompréhensible, c'est fou. Ce n'est pas ma faute. Je suis ainsi. 6. La farouche énergie d'une créature indépendante, qui a le courage de ses sensations, même injustifiables, avait passé dans sa voix. Elle s'était levée maintenant, et nous marchions du côté de l'hôtel en contournant le quai du petit port baigné d'ombre. Et de nouveau, sans que j'eusse trouvé une parole à lui répondre, avec une reprise de détresse dans son accent tout à l'heure si hardi, « En tout cas, si j'ai été coupable envers Percy, en ne lui sacrifiant pas ses terribles appétits de luxe, que j'en suis puni. Tant qu'il a été un enfant, tout allait bien. Tout allait bien encore tant que son parrain et sa marraine vivaient. Je lui donnais tantôt 8 jours, tantôt 15, un mois plein quelquefois. Il lui avait dit, c'était convenu entre nous, que j'étais dame de compagnie dans une famille très sévère. Percy est si simple d'âme, si peu défiant, il le croit toujours. Pour combien de temps? Tout est devenu plus malaisé quand ces braves gens sont morts. Je m'en suis tirée pourtant. L'enfant avait ses études à finir. Je l'ai mis en Angleterre, toujours avec l'idée de son père, pour 3 ans, puis 2 ans en Allemagne. À présent, je pense à le faire voyager en Italie. Je l'enverrai en Amérique pour 1 an ou 2 encore. Mais après, que vais-je en faire? Où le diriger? Vers quelle carrière qui me permette de l'empêcher de jamais venir à Paris et de lui cacher ma vie tant que Dieu permettra? C'était pour causer avec lui de son avenir, pour le sonder et aussi pour jouir de ses derniers moments d'adolescence, pour respirer dans mon oasis, que je l'ai fait venir ici. On me croit à Monte-Carlo, d'où ma femme de chambre me renvoie des lettres. Et c'est au moment où je prenais du courage pour les difficultés à venir qu'une autre a surgi, à laquelle je ne m'attendais pas et qui m'affole. Percy a rencontré une jeune fille, anglaise comme lui, la fille d'un major général qui est à l'hôtel avec nous. Il est en train d'en devenir amoureux. Je devine, vous êtes un peu jalouse, comme toutes les mères, lui dis-je, et vous appelez cela avoir peur pour lui? Je ne suis pas jalouse, répondit-elle, et avec passion. Ah, si je pouvais le donner à quelqu'un qui le rendit heureux et m'en aller, m'effacer, disparaître, mais ce serait le rêve de ma vie, cela. Pensez donc, le bien marier, lui donner la possibilité d'avoir une famille, des enfants, un intérieur. Mais ce bonheur, je ne peux pas le voler pour lui. Écoutez, insista-t-elle, quand j'ai vu qu'il commençait de s'intéresser à cette petite Cynthia Cobbett, mon premier mouvement a été de me dire, c'est une femme comme celle-là qu'il lui faudrait. Elle est si charmante, si douce, si fine, si vraie, pas trop riche, assez pour qu'il puisse vivre avec ce corps à Percy. Je lui ai assuré 200 000 francs pour le jour de sa 21e année. Elle est fille unique et sans autre proche parent que son père. Et puis, je n'eus pas plus tôt conçu la possibilité de ce mariage que l'honnête homme se révolta en moi de nouveau. Je me dis, s'il se marie jamais, je n'aurai pas le droit de me taire. Quand même, je le pourrai. Qu'un jour, le père de la femme de mon fils puisse le souffleter de ce mot. Vous m'avez trompé. Que cette femme ait honte de lui. Honte de porter son nom, d'être sa femme, que lui-même vienne à moi et me reproche d'avoir fait de lui le complice inconscient d'un pareil mensonge. Non, non, non, cela ne sera pas, je ne le supporterai pas. Apaisez-vous, fis-je, effrayé par l'exaltation où je la voyais. Votre fils a 18 ans, cette fille en a 17. Il ne s'agit de rien de sérieux, vous aurez le temps d'avoir ces scrupules quand votre Percy aura l'âge de se marier. D'ailleurs, il faudrait à ce moment-là produire des actes. Vous ne serez même pas tenté. Je me suis dit cela aussi, répondit-elle. Mais ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien de ne pas couper court à tout cela dès aujourd'hui. Vous ne connaissez pas mon fils. Je ne crois pas me monter la tête sur lui. Je sais qu'il est lent d'intelligence, qu'il a peu de conversation, pas du tout de brillant. Mais c'est l'âme la plus loyale, le cœur le plus droit. S'il se fiançait avec cette jeune fille, ce serait un don de toute sa vie. Il a les idées anglaises sur les engagements. Et elle, je l'ai étudiée aussi depuis ces quelques jours. Si elle s'engageait, ce serait de même. Il y a des instants où je me demande s'ils n'ont pas échangé déjà leurs promesses. C'est cet engagement secret que je redoute. Mais Percy me l'aurait dit. Il a tellement l'habitude de sentir tout haut devant moi. Lorsque nous sommes séparés, il me tient un journal de ce qu'il fait, jour par jour, heure par heure. C'est mon trésor, ces chères lettres. J'en ai vécu. Non, il n'est pas fiancé encore. Je le saurai. Il ne faut pas qu'il le soit. Eh bien, lui dis-je, emmenez-le. C'est déjà trop tard s'il aime vraiment Miss Cobbett, répliqua-t-elle. Il lui écrira, il la recherchera, il la retrouvera. Ah, j'ai trop hésité, j'ai été trop lâche. Elle ajouta tout bas, je ne veux pas me faire meilleure que je ne suis. Vous venez de me dire que je ne serais même pas tentée. Je l'ai été. Je me suis dit, je n'ai qu'à laisser faire. Je ne serai responsable de rien. Les compromis de conscience vous viennent vite. Oui, j'ai pensé à tout laisser faire et à disparaître. Si je n'y étais plus, cependant, on passerait sur bien des choses. Elle s'était arrêtée pour dire ces mots en regardant la mer qui continuait à pousser vers nous son immense soupir caressant. Une promenade en barque sur cette eau, un mouvement au bord de la barque, un peu trop penchée, une chute, et personne n'aurait plus le droit de demander compte de sa mère à ce pauvre enfant. J'ai pensé au suicide. Mais c'est étrange à dire, j'ai été retenue, je le serai toujours, parce que j'aime la vie, j'aime ma vie. Non, il n'y a qu'un moyen, qu'un seul, d'empêcher que ce que je crains ne se réalise. Et je m'en veux de cela, de n'avoir pas eu le courage de l'employer. Je l'aurai, conclut-elle. Si vous voulez seulement m'aider, voudrez-vous ? Je vous ai promis de faire ce que vous me demanderiez, et je tiendrai ma promesse, lui dis-je, en réponse à l'interrogation presque douloureuse de sa dernière phrase. Qu'allait-elle pourtant m'imposer ? Tout son discours avait trahi une si incroyable incohérence de sentiments. Rien ne me permettait de deviner à quelle démarche je m'engageais ainsi. En transcrivant, comme je viens de faire, notre conversation, je ne comprends même pas que j'ai pu donner cette imprudente parole. Que savais-je de cette fille, après tout ? Ce que m'en avait raconté le plus imaginatif de mes aînés ? Rien de plus. Si, je savais encore, avec une indiscutable certitude, que depuis quelque 20 ans, elle trouvait le moyen de se faire 200 000 francs de rente dans la galanterie. Par conséquent, elle avait, au service de sa délicate beauté, à tout le moins un sens très pratique de ses intérêts. Il y avait 99 chances contre une pour que son apparent scrupule dissimulât quelque adroite rouerie. Cette confidence sentimentale pouvait n'être qu'une comédie, destinée précisément à empêcher que je ne me misse en travers de quelque plan d'exploitation savamment calculé. Oui, j'aurais raisonné de la sorte pour le compte d'un ami qui m'eût rapporté cet entretien en m'interrogeant sur la conduite à tenir. Je lui eusse répété le « souviens-toi de te défier » que le sage Mérimée portait gravé sur son cachet. Et j'aurais eu tort. Ce qui prouve une fois de plus qu'en nature féminine, tout est possible, même la sincérité. Je n'allais pas tarder à tenir une indiscutable preuve que Blanche ne mentait pas. Elle se mettait tellement à ma merci par les mots qu'elle prononçait maintenant. « Que j'ai bien fait, disait-elle, de céder au mouvement qui m'a précipité vers vous, comme vers mon sauveur. À présent que je vous ai parlé, je suis sûre de moi. D'avoir un témoin qui vous juge vous rend de la force. Et j'en aurai. Ce moyen de les séparer tous deux maintenant et pour jamais, vous l'avez deviné, n'est-ce pas ? Il faut que le père de Cynthia sache qui je suis. Le lui dire moi-même, je le devrais. C'est un peu trop dur. Il a eu vis-à-vis de moi tant d'égards. Il a été, depuis tout ce séjour, tellement délicat et bon envers nous deux. » Elle hésita une seconde. « Et puis, je suis trop femme pour ne pas deviner qu'il a pour moi un peu du sentiment, oh, très peu, que mon fils a pour sa fille. Enfin, ce que je vous demande, c'est de m'épargner cet aveu. « Comment ? M'écriai-je. Vous voudriez que j'allasse dire à cet homme, que je ne connais pas, votre vrai nom et qui vous êtes ? Mais c'est impossible !»« Vous avez promis, répondit-elle, impérieusement et suppliante. Au nom de notre ami mort, répétez-moi que vous tiendrez votre promesse. Il faut que cette situation finisse et que jamais, jamais mon fils ne puisse approcher Miss Cobbett quand nous serons partis. Il le faut, et parler moi-même, c'est trop affreux. » Eh bien, repris-je, attendri après une seconde d'hésitation par cette plainte, accordez-moi seulement 24 heures. En premier lieu, je dois avoir fait la connaissance du général Cobbett. Je ne peux pourtant pas l'aborder et que mon premier mot ait l'air d'une abominable dénonciation. Vous-même, je désire que vous ayez causé avec votre fils et que vous soyez bien sûr du danger. » Nous étions arrivés à la porte du jardin de l'hôtel, comme je prenais ce nouvel engagement, atténué du moins par cette condition de sursis. Blanche, qui s'était arrêtée, l'oreille tendue, me fit du doigt signe de me taire. Elle poussa la porte qui donnait dans l'enclos. Je la suivis, sans plus essayer de lui parler. À peine cette porte franchie, elle se jeta à droite, dans l'ombre d'un grand massif de laurier. Je m'y cachai aussi. L'extrême finesse de son ouïe ne l'avait pas trompée. Deux promeneurs s'avançaient dans l'allée, dont la voix connue lui était arrivée par-dessus la muraille, bien vague, bien indistincte. Mais la mère avait discerné le timbre de son fils. De ces deux promeneurs qui marchaient ainsi d'un pas alangui, l'un était bien le jeune Percy. Quoique je ne pusse pas voir son visage, je ne me trompais pas moi non plus à son élégante et svelte silhouette. L'autre était une jeune fille. Je n'avais pas prêté à Miss Cobbett une attention suffisante pour la reconnaître. Je ne doutais cependant pas une minute que ce ne fût elle. Le trouble de la mère me le disait trop. Le pas des deux jeunes gens se faisait plus lent à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la partie obscure de l'allée. Ils se taisaient maintenant. À travers les branches des arbustes où nous nous cachions, nous pûmes les voir qui, d'abord séparés l'un de l'autre par une distance d'un mètre environ, se rapprochaient, et nous entendîmes que le jeune homme recommençait de parler d'une voix si basse que nous n'entendions qu'un chuchotement. À une seconde, il esquissa le geste de prendre la main de sa compagne, qui esquissa, elle, le geste de dégager ses doigts avec cette résistance émue qui va céder. À cette même seconde, un appel déchira le silence du jardin et fit brusquement s'écarter l'un de l'autre les deux amoureux. C'était Blanche qui s'élançait du fourré en criant le nom de son fils. « Percy ! » appelait-elle. « Percy ! » !»« Mais je suis la maman !» répondait le jeune homme avec un accent où tremblait toute la surprise de son saisissement, tandis que l'imprudente et naïve Cynthia Cobbett, toute confuse, se retirait dans la contre-allée.